Des participants au colloque scientifique international consacré au 70e anniversaire de la fondation de l'université Kim Il-sung ont visité Mangyongdae, pays natal du président Kim Il-sung.